Boum Boum Mo. Boum Boum Mo. Musique française. Des années 60 à 80. Bomo, musique française curieuse tous les mercredis soirs sur Prune. On est hyper content ce soir de revenir à nos premiers amours, revenir à l'une de nos premières égéries. Ce n'est pas Marie Laforêt, c'est l'autre, c'est France Gall. Une heure entière de France Gall ce soir sur Prune, avec un mix qu'on a été chercher sur un blog australien qui s'appelle Spy Kid Candy. Sur ce blog australien, Spy Kid Candy, on trouve des articles, des vidéos, des mix. C'est essentiellement consacré à la pop des années 60, à la pop française des années 60. Et l'un des mix donc du Spy Kid Candy blog est consacré à des covers de chansons de France Gall. Il y en a 30 en tout dans le mix que l'on s'apprête à écouter. Deux covers de France Gall elle-même, l'une en japonais, l'autre en italien, et 28 covers d'autres groupes, d'autres artistes. Il y a plein de langues, il y a plein de styles, et il y a plein d'époques différentes. On va voyager entre 1964 et 2007, donc, pour ces 30 covers de France Gall. Si vous nous écoutez en direct, on devra couper le mix un petit peu avant la fin. Si vous nous écoutez en podcast, on a tout mis dedans et on part donc pour un petit peu plus d'une heure de découverte de 30 covers de France Gall grâce au Spy Kid Candy blog. Bonne écoute, à la semaine prochaine. Ça doit arriver. Depuis toujours, mais ça fait mal, oh oui, si mal.

sur un tapis avec le cheveu long. Quand t'as mieux les vies, on dirait des garçons, les vues en pantalon. qué tal. Después me mirarás y no replicarás. Si quieres besarme y no sabes por qué, hazlo ya, que si hazlo ya te vas a arrepentir. A mí sueño que me besas más y más y la luna no se atreve a mirar. Si solo estás la mitad que yo, no puedes aguantar ni un parpadeo. Pienses más, dame un beso tonto y luego otro más. Piénsalo un momento, qué feliz serás. Y ven aquí, soy para ti. No me hagas esperar. A mí sueño que me besas más y más y la luna no se atreve a mirar. Si solo estás la mitad que yo, no puedes aguantar ni un parpadeo. Thank you.

quelques pénis. Annie a ce suceta. L'année, elle fait la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Night I stay at home looking at the wall. a boy to love. But I'll never get the chance to find the boy I'm dreaming of. Anybody I go to, he falls down and stares. Boys only look, never speak to me. It's just as if they didn't dare. So each night I stay at home, looking up at the wall. I always seem to be on my own. I'm just a lonely singing doll. I always seem to be on my own. I'm just a lonely singing doll. Der Computer weiß genau für jeden Mann die richtige Frau. Und das Glück fällt im Augenblick aus seiner Kartei. Denn eine von vielen Millionen, der wartet auf mich irgendwo. Groß 1,82 Kragen, 39 Schuhgröße, 46 Stopp. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt. Titi, reine païenne. tal como es. Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez. Todas las demás muñecas ríen alrededor. Esas que bailan con mi canción, bellas y bufedes son. Esas mismas que se mueren por un sí, por un no. Esas que juegan con el amor. Partes a la vez. Me pregunto cada instante por qué canto el amor, si todavía mi corazón ninguna vez se enamoró. Soy tan sola una muñeca que no sabe de amor. Con los cabellos igual que el sol, pero sin pupe de sol. Pero algún día sabré de amor. Lexusetalani, Lexusetalani, Dani, comme t'as ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'ange parfumé à la nuit coule dans la gorge d'Annie. Quelques pénis, Annie, assis sur cette table, l'Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureuses. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à la. Donne à ses baisers un goût anisé quand elle n'a sur sa langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore. La couleur des jours heureux. M'ennuie que dans un rime monotone.

spectacle.